sur mon polo un croco, pas de caïman, mate le maniement, je provoque le ralliement des troupes, je ferme l'hexagone à la loupe, trop de parvenus, tourne autour du hip-hop comme un hula hoop sur la croupe de Betty Boop. Tu crois que je suis cool fils, plus cool que 20 Kaira, fonce derrière la 8-6 en 9-6, Miss c'est périmé, tu déclasses, tu crois que c'est classe de faire la taspé, donne beaucoup de respect à tous les jeunes qui marchent sans gueule malgré qu'ils soient révoltés, mes rimes sont survoltées pour que le porter la rumeur qui s'extrait du néant comme une lueur d'esprit, le fond chie, vend son cul comme du mauvais touchy, balance des mots pour la Nemo mais jamais ne réfléchis, Vincenzo Manco pour arrêter ce gâchis, on n'a pas que ça à foutre de faire les faux, ex Nilo papy Fredo dans la place pour niquer Sarah son micro, on n'a pas que ça à foutre de faire les faux, ex Nilo papy Fredo dans la place pour niquer Sarah son micro, on n'a pas que ça à foutre de faire les faux. Oh la Teferi pour le hip-hop et Paris on met le pack. Oh la Teferi pour le hip-hop et Paris on met le paquet. Rebelle de la vie, gaz mon petit. Pas d'arnaque sur le flow, un traquenard pour les cons. Un coup de pompe pour les connards sans conviction. Vendu, mal métissé, le marché relaisé. Rentre au PC, 96, marre des mal baisés. De tout ça trop blasé, mec ne me crois pas féroce. J'ai la maîtrise, haine de la traîtrise. Trouve ton boss, à base de Barry Fredo, Dex ni Yellow, de force de mots, de force d'action, se corse l'addition. Injuste pour l'ego, injustement niveau. Nourris les ragots pourris pour les faux, pareil pour l'échafaud. C'est chaud, c'est de la délivrance et le répige. C'est le bourreau, revoilà le papier. Merci Fredo, sorti du néant, pourvu de changement. Le sale garnement rap indépendamment de la censure de tous les dénigrants. Il veut que je suis sûr, j'en fais du rang dedans. Ouais, qui veut en être sûr peut joindre le mouvement. Pour le débordement, pour le renversement contre celui qui m'en est. On n'a pas que ça à foutre de faire les faux. Ex Nilo, papy Fredo dans la place pour niquer Sarah son micro. On n'a pas que ça à foutre de faire les faux. Ex Nilo, papy Fredo dans la place pour niquer Sarah son micro. Entre le faux et le vrai fils, il va falloir trancher. Le microphone est branché. Paré pour la guerre cérébrale, j'ai déjà creusé des tranchées plus profondes que mes pensées. La racaille commerciale ne lâche plus le rime sensé. Putain, mais lâche le microphone, bordel, pourquoi tu rappes? Ta tête bourrée de poulet aux hormones, passe à la trappe quand j'attrape les faux. Pas la peine d'appeler la civière. Ils finissent dans un sac rempli de pierres au fond d'une rivière. Trop de MC marchent comme des Kaira, parlent comme des Kaira, mais ne sont que des fausses Carla. Tu vois ce que je veux dire par là? À chacune de mes apparitions, le mot compétition n'a plus aucune définition. T'as cliqué sous la pression, l'agression consiste à éclater ton possible comme une grosse chatte. Mes styles percutent les putes comme des coups de batte. T'as plus aucun crédit, arrête ta comédie ou bien je t'expédie. Quand je prends le micro pour les faux, c'est une pure tragédie. On n'a pas que ça à foutre de faire les faux. Ex Nilo, papy Fredo dans la place pour niquer Sarah son micro. On n'a pas que ça à foutre de faire les faux. Ex Nilo, papy Fredo dans la place pour niquer Sarah son micro. On n'a pas que ça à foutre de faire les faux. Ex Nilo, papy Fredo dans la place pour niquer Sarah son micro. On n'a pas que ça à foutre de faire les faux.